vous saluons au nom de Jésus-Christ. Tunamsalimia mujina ya Bwana Yesu Kristo. Saluons aussi les frères et les sœurs qui sont en ligne. Tunasalimia pia wandugu na wadada wanatufuata kumtandao. Levons-nous pour la lecture de la parole. Tusimame juu ya usomi wa neno la Mungu. Ruth au chapitre 4. Luta sura yake ya 4. Ruth au chapitre 4. Luta sura yake ya 4. Père céleste, Baba aliye juu mbinguni, au nom de Jésus-Christ, mujina ya Yesu Kristo, nous venons humblement dans ta présence. Tunakuja na unyenyekevu muwepo wako. Pour te demander pardon. Vya kuomba usamaha. Parce que nous avons péché d'une manière ou d'une autre. Kwani tulitenda zambi munamuna moja na ingine. Que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie. Damu ya Yesu Kristo ipate kututakasa. Et qu'il puisse bien aimer nous permet d'entrer dans ta présence. Na ituruhusu kuingia muwepo wako. Pour bénéficier. Juu ya kufaidia. De tout le travail que tu as accompli au bas du calvaire. Na kazi yote ile ulitimiza kumsalaba. Bénis chacun de nous d'une manière particulière. Ubariki kila mmoja wetu mnamna ya upeke. Bénis les frères et les sœurs qui sont connectés. Ubariki banduku na badada wewe kumtandao. Permet que nous puissions recevoir de ta part une portion. Uruhusu tupate kupokea kwa upande wako sehemu. Qui va éclairer nos vies jusqu'à la fin de notre séjour terrestre. Ile tangazia maisha yetu kufika na mwisho wa maisha yetu pa dunia. Bénis la parole qui sera lue. Ubariki neno itasomewa. Et quand tu descendras au milieu de nous. Na wakati utashuka katikati yetu. N'oublie pas de guérir les malades. Usisabu kuponya bagonjwa. N'oublie pas de ramener la paix dans le cœur des frères et sœurs. Usisabu kurudisha salama mioyo ya bandugu na badada. N'oublie pas de sauver les perdus. Usisabu kokoa wenye kupotea. N'oublie pas de sanctifier les pécheurs. Usisabu kutakasa batenda zambi. La raison fondamentale pour laquelle. Na sababu yenye msingi. Ton sang a été versé. Ile damu yako ilimwangika. Merci Seigneur. Asante Bwana. Bénis ce service. Ubariki kazi. Au nom de Jésus-Christ. Mujina Yesu Kristo. Amen. Amen. Ruth au chapitre 4. Luta sura yake ya 4. À partir du verset 9. Kuanzia mstari ya 9. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple. Basi Boaz akambia wazee na watu wote. Vous êtes témoins aujourd'hui. Leo muko bashuda. Que j'ai acquis de la main de Naomi. Ya kwamba mimi nakomboa kutokea mkono wa Naomi. Tout ce qui appartenait à Elimelech. Ile yote ilikuwa ya Elimelech. À Kiljon. Ya Kiljon. Et à Maclon. Na ya Maclon. Et que je me suis également acquis pour femme Ruth la Moabite. Na mina nunua tena sawa muke Luta wa Moabu. Femme de Maclon. Muke wa Maclon. Pour élever le nom du défunt dans son héritage. Ya kunyanyula jina ya ule alikufa muriti wake. Et afin que le nom du défunt ne soit point retranché. Entre ses frères. Ili jina le aula likufa ishipote katikati ya banduku yake. Et de la porte de son lieu. Na ishipote mlango ya fazi yake. Vous en êtes témoin aujourd'hui. Leo mukubashuda. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent. Bantu bote bale barukwa pa mlango pa mwana wazee wakasema. Nous en sommes témoins. Tuko bashuda. Que l'Éternel rende la femme qui est entre ta, qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa. Yehova afanye mwanamke ule kwa mikono yako afanane na Rachel na Léa. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison. Yehova afanye mwanamke ule unaingia kwa mlango yako semblable à Rachel et à Léa. Afananishe na Rachel na Léa. Que toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Bale ababote bawili balienga nyumba ya Israeli. Manifeste la force dans Ephrata. Aonekanishe nguvu Mwefrata. Et fais-toi un nom dans Bethléem. Afanye jina lako lijulikane mu Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à celle de Peretz. Ah, uzao ile Yehova atakupatia kupitia mwanamke ipate kufanya nyumba ifanane na nyumba ya Peretz. Qui fut enfanté à Juda par Tamar. Ule alizaliwa na Juda kupitia Tamar. Boaz prit Ruth. Boaz akamchukua Luta. Qui devint sa femme. Akakuya muke wake. Et alla vers elle. Na kaenda kwake. L'Éternel permit à Ruth de concevoir. Na Mungu akaruhusu Luta apate mimba. Et elle enfanta un fils. Naye akazala mtoto mwanaume. Les femmes dirent à Naomi. Bana muke bakamwambia Naomi. Béni soit l'Éternel. Abarikiwe Yehova. Qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat. Ulashi ukwache weyo kose mutu wenye kwa na halali ya ukombozi. Et dont le nom sera célébré en Israël. Na ule jina lake tashangiliwa mu Israeli. Cet enfant restaurera ton âme. Huyu mtoto atarudisha nafsi yako. Et sera le soutien de ta vieillesse. Na atakuwa msaada wa mbuzebu wako. Car ta belle fille que tu aimes. Kwani muko wako unapenda. T'a enfanté elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. Anakuzalia ule mtoto mwenye kushindia batoto saba wanaume. Non, c'est Ruth qui vaut mieux pour toi que sept fils. Ah, huyu Luta mwenye kwa wa mafaa kushindia batoto yako saba. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein. Naomi akachukua mtoto na kumweka mkifua yake. Et elle fut sa garde. Na akamchunga. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana Mungu aongeze baraka kusomi wa neno lake. Pour racheter Naomi. Dieu a kumkomboa Naomi. Et récupérer Ruth comme sa femme. Na kumchugua Luta sawa muke wake. Boaz avait accompli un témoignage public. Boaz aritimiza ushuda mbele ya bantu bote. Devant les anciens de la ville. Mbele ya wazee wa muji. Ainsi que devant le peuple. Na mbele ya taifa. Nous avons dit hier. Jana tulisema. C'est ce que Christ a fait pour nous. Ya kwamba njo kile Kristo alitufania na sisi. Il a accompli un témoignage public. Alitimiza ushuda mbele ya bantu bote. Devant les anciens. Mbele ya wazee. Et devant le public. Na mbele ya watu. Il est venu pour la première fois, c'était pour acheter Israël. En rachetant Israël, il a acquis une épouse des nations que nous sommes. Alinunua muke wa kumataifa sisi. Nous qui sommes devenus la reine. Sisi tunakuwa malikia. Nous qui bénéficions beaucoup de choses plus qu'Israël. Sisi venye kufaidia vitu mingi kushindia Israeli. Après que notre Boaz se soit occupé de nous. Kisha Boaz wetu kutuangaikia. Il va encore retourner vers Israël, son peuple. Atarudiaka tena ku Israeli taifa yake. Et hier, on a exploité le verset 15. Du chapitre 4. Jana tulizungumzia kuhusu mstari wa 15 ya sura ya 4. La récompense de Ruth. Malipo ya Luta. Sur le mariage honorable avec cet homme puissant de Boaz. Ilikuwa ni ndoa ya kuheshimiwa na huyu mtu mkubwa mtu wa kabaila wa uwezo Boaz. Et de leur union ils ont eu un fils. Mu ndoa yabo walipata mtoto mwanaume. Mais quand les femmes sont venues, wakati banamuke walikuja, vers leur sœur Naomi, wa dada yabo Naomi, ils lui ont dit que cet enfant qui est né de Ruth, balimwambia asema mtoto Luta Rizala, est destiné à restaurer votre âme. Ni mwenye kutayarishiwa apate kurudishwa nafsi yako. Et il sera le soutien de ta vieillesse. Na atakuwa msaada mbuzee yako. Et Naomi que tu aimes et qui l'a enfanté, Naomi ule unapenda na anamzaa, elle a de la valeur plus que cette fils. Eko na mafaa kushindia watoto saba wanaume. Nous sommes arrêtés un peu ici pour dire ceci à l'église. Tulisimamia hapa juu kusema hii na kanisa. Deux fois nous les hommes, nous avons une fausse impression des filles. Kila mara sisi wanaume tunaonaka mbaya kuhusu watoto wanawake. Comme il y a certaines tribus, ça vile kuku makabila ingine, dans lesquelles les filles n'ont pas d'importance. Mule batoto banamuke awana na bei, awana na mafa. Si dans un mariage, la femme ne fait que donner naissance aux filles, kama mundo wa fulani, bibi yako nazala paka batoto banamuke, premièrement, elle est rendue responsable. Kwanza banamutuika ile buzito yeye. Comme si c'était elle qui donnait les enfants. Inakuwa sawa ni yeye ndio analeta watoto. Et cela les gens le font par ignorance. Na ile batu banaifanya vile kukosa kujua. En réalité, celui qui détermine le sexe des enfants, c'est l'homme. Kwa katika ukweli ule unachanisha watoto wanaume na wanawake ni paka bwana mwanaume. Il n'y a pas la responsabilité de la femme. Amuna buzito bwa bibi hapana. Non bien-aimé frère. Hapana ndugu mpendwa. Non bien-aimé sœur. Hapana dada mpendwa. Les garçons ont été tellement élevés. Watoto wanaume bali bapandisha sana. Dans les familles qu'ils sont honorés plus que les filles. Mumajama na bana baheshimia kushindia watoto wanawake. Cela est un faux esprit. Ile ni rombaya. Ça c'est la vérité. I njo kweli. Et quand les gens responsabilisent la femme, wakati batu banamutuika buzito mwanamke, comme quoi c'est elle qui donne uniquement les filles et non les garçons, ya kwamba ni yeye ko nazala paka batoto banamuke ashizale banaume, on exhorte même l'homme à l'abandonner, banamusubutisha ata bwana apate kumukatala. Mais si l'homme ne veut pas abandonner sa femme, kama bwana ashipende kuacha bibi yake, on l'encourage même à aller prendre une deuxième femme, banamusukuma ata kuoa bibi mwingine wa pili. Et cette femme sera persécutée par sa belle famille. Na ule bibi batamuteswa kuba bazazi ya bwana. Si elle a un mari insensé, kama yuko na bwana mujinga, sans sagesse, wasipokuwa na hekima, il risque de perdre son foyer. Anawezi kupoteza ndoa yake. Et il disait, Banakai, cette femme, cet homme, cette femme ici. Wanasema ni watoto kani huyu mwanamke unazala watoto kani? Watoto kani wanawake ni watoto kani? Ça c'est un mépris à l'égard de la décision divine. Ile ni kazarau mbele ya mpango ya Mungu. Ile musemeo est un mépris ni kazarau à l'égard de la décision divine. Mbele ya mipango ya Mungu. Parce que celui qui donne les enfants, jule kunaleta batoto, ce n'est ni l'homme ni la femme, haina wala bibi wala bwana, mais c'est Dieu. Lakini ni Mungu. Maintenant nous avons dit ceci. Sasa tulimwambia hivi. Ce n'est pas le nombre de garçons dans un foyer qui rend ce foyer une bénédiction aina ou qui amène une bénédiction à ce foyer. Aina buingi bwa batoto banaume banazala mujama njo nafanya ilete baraka ya ile jamaa pana. Les garçons ne sont pas une bénédiction. Batoto banaume aina baraka. Si ces garçons là ne craignent pas Dieu. Kama wale batoto banaume abaongope Mungu. Comme les filles si, les filles aussi ne sont pas une bénédiction. Za vile batoto banamuke nabo aina baraka. Si elles ne craignent pas Dieu. Kama nabo abaongope Mungu. Les enfants, les deux. Batoto bote bawili. Garçons ou filles. Banamuke wala banaume. Sont une bénédiction. Beko baraka. Si ils ont la crainte de Dieu dans leur vie. Kama beko na boka bwa Mungu mu maisha yabo. Si ils respectent leurs parents. Kama wanaheshimia bazazi yabo. C'est vrai frère. Ndia kweli nduku. Donner naissance. Kuzala. Aux enfants voyous. Batoto wa babu. Delinquants. Baovyo batenda maovu. Des fainéants, des voleurs. Basipo fanya kitu bezi. Des fumeurs de chambre. Bafutaji ya bangi. Comme nous l'avons montré hier, vile tulionesha jana, ça c'est une malédiction. Ile njo laana. Donner aussi naissance à des filles. Uzala tena watoto banamuke. Délinquantes. Batenda maovu. Des voyous. Baovyo. Des prostituées. Bakaba. Des rebelles. Batombozi. C'est encore une malédiction. Nayo tena ile ni laana ingine. Une malédiction. Alakini baraka. Ce sont les enfants. Ni batoto. Qui honorent l'Éternel. Venye kumheshimu Mungu. Et qui sont capables. Venye kuwa na uwezo. De soutenir. Ya kusaidia. Leurs parents. Bazazi yabo. Dans la vieillesse. Mubuze. C'est même l'importance pour laquelle Dieu nous donne les enfants. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Je voulais que cette pensée-là, vous la saisissez correctement. Les enfants batoto sont le soutien des parents dans leur vieillesse. Quand les parents sont forts, nguvu, ils peuvent se débrouiller eux-mêmes. Les enfants ne sont pas utiles. Batoto pale wana na mafa. Mais c'est lorsque les enfants ni wakati ile batoto grandissent, banakomea, les parents s'affaiblissent, bazazi banachoka, ne peuvent plus se soutenir, hawana tena na namna kujitafutia, les enfants viennent comme des béquilles pale batoto banakosa msaada, pour que les parents achèvent leur séjour terrestre, juu bazazi yao wamalize maisha masiku yao pa dunia mu salama, dans la tranquillité na mukimia. C'est pourquoi j'exhorte chacun de vous comme chrétien, sawa mu Kristo. Honorons nos parents tueshimu bazazi yetu dans leur vieillesse. Mubuze bwabo. Soutenons nos parents tusaidie bazazi yetu dans leur vieillesse. Mubuze yabo. Quand un parent n'a plus de soutien, wakati mzazi ana tena na msaada, c'est à ce moment-là njomu ile wakati qu'il faut se tenir auprès de lui napashi usimama pembeni yake pour le soigner juu ya kumsaidia kumchunga mzuri. C'est vrai frère. Ni kweli nduku. C'est vrai, sœur. Nikweli dada. Nous ne sommes pas de ceux si, c'est à tout na balé qui accomplissent en mal les prophéties du temps de la fin. Ya wakati ya mwisho. Les enfants sont rebelles. Batoto banakuwa batombozi. Les enfants deviennent méchants. Batoto banakuwa bakaidi. Les enfants deviennent insolents. Banakuwa bakibengo. Ils sont violents avec leurs parents. Kibengo mbele ya bazazi yabo. Ça, c'est une malédiction. Ile ni lana. C'est le fléau de l'âge. Jo ma gonjo ai kizazi. C'est vrai frère. Bia kweli nduku. Traitez avec beaucoup d'honneur. Muchunge na heshima yote. Vos propres parents. Bazazi yenu. Traitez avec beaucoup d'honneur. Muchunge na heshima yote. Vos belles parents. Bazazi yenu bako. Vos pères. Ba bako. Vos belles mères. Ba bako yenu banamuke na banaume. Vous recevrez. Mutapokea. La bénédiction de la part du Seigneur. Baraka kwa upande wa Bwana Mungu. Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. J'aime que vous reteniez cela. Ninapenda mupate kuishika. Regarde l'écriture que nous avons lue. Tazameni andiko ile tulisoma. N'écoutez jamais. Musisikilize kamwe. Ces devins religieux. Aba bafumu bakanisa. Makanisa. Qui n'ont ni appel de Dieu. Basipoku ata na mwito ya Mungu. Et qui n'ont reçu aucune charge de la part du Seigneur. Na wakupokea ata muzigo ata moya ya Mungu. Ils sont des simples mercenaires. Ni wakutumikia tu mshahara. Ils protègent leurs propres parents. Beko na chunga bazazi yabo. Mais ils enseignent à leur bouc. Alakini wanafundisha kondolo yabo. De mépriser leurs parents. Yabo bapate kubeula bazazi yabo. L'église est avec moi. Eti kanisa munafuata. N'écoutez jamais musikasikie kamwe de tels prédicateurs baubiri banamnai qui à la longueur de la journée bale musiku yote muzima dans les radios kuma radio dans les télévisions kuma television à leur micro dans leurs églises makanisa yabo il vous enseigne à mépriser vos parents beko na mifundisha mubeule bazazi yenu. Il vous amène de la malédiction. Dans 1 Timothée au chapitre 5, dans son verset 8, je commence au verset 7. Déclare-leur ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Si vous êtes une veuve, vous avez encore de la force. Travaillez. Tumika. N'allez pas embrouiller vos enfants qui sont jeunes. C'est vrai. Nikweli. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, kama mtu ashangaiki ba zazi yake, baki. Et principalement celle de sa famille, Zaidi wa munyumba yake, il a renié la foi. Manake anakatala imani. Et il est pire qu'un infidèle. Anakuwa mubaya kushindia hata wasipo kuamini. Weye frère. Toi frère. Na weye sœur. Et toi sœur. Au peine de supporter baba yako na mama yako. Tu ne veux pas supporter ton père et ta mère. Awezi kuvumilia baba yako na mama yako. Tu ne peux pas supporter ton père et ta mère. Na uko na ba traiter de sorciers ou de sorcières. Una bataya sema ni balozi, banamke wala banaume. Uko mubaya sana kupita na bapagano. Tu es très pire de plus que les infidèles. Parce que kuko bapagano. Parce qu'il y a des infidèles. Bale ambao beko na chunga bazazi yao. Qui garde, qui prennent soin de leurs parents. Bila kuenda ata mukanisa. Sans même fréquenter l'église. Mais wewe unaenda mukanisa. Mais toi tu fréquentes l'église. Mais uko mubaya sawa shetani. Tu es pire plus que Satan. Austaïla takwenda mukanisa. Tu ne mérites même pas d'aller à l'église. Na kutaya njina ya Yesu. Et de citer le nom de Jésus. Non mon frère. Hapana ndugu yangu. Non ma sœur. Hapana dada yangu. Pono Tesla. Inapashi kuiandika. Vous voyez. Munaona. C'est pas envoyé dans la Bible. Joko mana mtaona ta umbiblia. Ta quelqu'un devient une femme, devient veuve. Wakati mwanamke anakuwa muyani. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui dans nos églises. Aina ile tu kunaona leo makanisa. Une sœur qui est encore très forte. Dada ulangariki na nguvu. Qui peut faire des fois des champs. Ula naweza hata kulima mashamba. Faire ses commerces. Na kufanya biashara. S'occuper même de sa propre vie. Kuangaiki hata maisha yake. Aider un peu ses petits-fils. Na kusaidia kwa wajukuu yake. Mais. Alakini. Elle veut être à la charge de l'église. Anapenda kanisa imubebe mbuzito yake. Cela est faux. Bia bongo abina bizuri. Ça ne doit pas être comme ça. Habipashi kufanika vile. Non bien-aimés frères. Apana nduku mpendwa. Non bien-aimés sœurs. Apana dada mpendwa. Pour que l'église juu ya kanisa prenne soin d'une veuve dans l'église, ipate kuangaikia muyane mukanisa, il y a des conditions que la Bible a définies. Kuku makanuni ile Biblia inasema, inalazimisha. Premièrement, kwanza, il faut que cette dernière unapashi ule muyane ait au moins 60 ans. Aweko kama ni kiloko na miaka 60. Au moins 60 ans. Kama ni kiloko akona miaka 60. Tu as 40 ans. Wewe una miaka 40. Tu as 45 ans. Una miaka 45. Tu as 50 ans, même 55 ans. Uko atana miaka makumi tano wala makumi tano na tano. On peut même t'épouser. Manaweza ata kukuoa tena. C'est pourquoi. Njo kwa mana. Dans le verset 13. Mstari wa 13. Voyez. Munaona. Dans le verset 13. Mstari wa 13. Il est dit. Manasema. Disons dans le verset 14. Munaine. Il est dit. Manasema. Je veux que les jeunes veuves se marient. Minapenda bayane babiana baolewe. Si ils ont la possibilité d'avoir des enfants. Qu'ils aient encore des enfants. Kama wangaliki tena na namna ya kuzala. Et qu'ils prennent soin de leurs enfants. Na wangaikie watoto yabo. Voyez bien mes frères et sœurs. Naona ntuku na dada mpendwa. Mais toi tu as 50 ans. Sasa wewe uko na miaka 48 ans. Miaka 48. Vous voulez qu'on te prenne en charge par l'église. Unapenda kanisa ibebe buzito yako. Non bien mes frères. Hapana ntuku mpendwa. Non bien mes sœurs. Hapana dada mpendwa. Il faut que cette femme, il pas mwanamke muyane, premièrement, kwanza, qu'elle n'est pas moins de 60 ans. Akue, kama ni kiloko, ishikwe chini ya miaka makumi sita. Et dans son parcours, na musafari yake, qu'elle soit seulement, donc elle a eu seulement un seul mari. Dans toute sa vie. Manake mu maisha yake yote alikuwa tu na bwana moya tu bule. Pas une femme. Hapana ule mwanamke. Qui a été épousé deux ou trois fois. Qui est passé entre plusieurs mains. Alitoka mikono ya wanaume wa mingi. Non. Hapana. Déjà si elle est passée par plusieurs mains. Kama walimuoa kwa bwana wa mingi. Elle est déjà exclue. Unaisha ana tena muyane wa kuchukuliwa na kanisa. Depuis qu'elle a été épousée. Depuis qu'elle est née. Anaolewa. Elle a été épousée. Alikuyaka paka na bwana moya. Elle n'avait qu'un seul mari. Na mwisho ya maisha yake. Jusqu'à la fin. Na pale bwana yake ule anamwacha. Jusqu'à ce que ce mari là meure. Hata kama alikuwa na bwana moyo. Même si elle avait seulement un seul mari. La Bible a encore ajouté en disant, il faut le mwanamke. Il faut que cette femme ou les veuves ajulikane mukanisa kusema. Qu'elle soit reconnue dans l'église. Alitumika kazi ya Mungu. Qu'elle a servi Dieu. Fanya matendo mema. Elle était bienfaisante. Quand elle vivait avec son mari. Wakati ile alikuwa naishi na bwana yake. Bantu alikuwa mu nyumba yake beko na kuria. Leja sere se da bateso ila keye le. Anaya kukabula baraka ile ambao Mungu alianza kumupatia. Elle partageait tout ce que Dieu lui donnait. Akuye na ushuda mzuri. Kele yembote ile iko nasema alianza kufanya matendo mema. Ke la fait de bonnes œuvres. We hapo kingali na Bwana. Mais là, toi lorsque tu es encore un mari vivant. Venye ba frère na ba sœur na kwa kura bukari kwako. Des frères et des sœurs qui viennent manger chez toi, tu les mentionnes sur ma liste. Tangaza na kwa shimanga na kwa beul. Tu les annonces partout en les méprisant. Kama bwana yako ule anakufa. Et si ton mari la meurt. Tu es déjà exclu de la liste. Hauna tena mwile kisari ya kuchungiwa sawa muyane. Oui bien mes frères. Ndio nduku na dada. Il faut mwanamke. Il faut que la femme. Ule ariji aplike. Au bonnes œuvres. Kumatendo mema. Elle s'est appliquée aux bonnes œuvres. Arijitoa kumukutenda mema. Elle porte un bon témoignage. Akuwe na ushuda mzuri. Si vous portez un bon témoignage dans l'église, votre bon témoignage vous payera. Ah, ushuda mzuri takulipa. Hapana kubakia mukanisa bila kazi. C'est pourquoi il ne faut pas rester dans l'église sans rien faire. Dieu t'a donné une famille. Mungu alikupatia une maison. Mungu alikupatia nyumba. Kunyumba yaka ke bantu. Si passe là-bas, il n'y a personne qui mange chez toi. Ce n'est pas juste. Aina kunyolo kaina sawa. Quoi bien mes frères. Unaona ndoko mpeni. Bana muke bale ambao benye kuolewa. Les femmes qui sont mariées. Qu'elles apprennent à s'appliquer aux bonnes œuvres. Kujitoa kwa matendo mema. Aina mambo ya kulanda sema no. Ni kwanangu ana commerçant. Bwana yangu ana cadre. Ni pas cadre, ni pas commerçant, il n'a pas de moyens. Tumikia Mungu. Serve Dieu. Na ile kiloko uko nayo. Avec le peu que tu as. Mwile kiloko uko nayo. Dans le peu que tu as. Banduku na badada. Des frères et des sœurs. Bakujua kusema. Ils te reconnaissent. Uko mukristu mzuri mukanisa. Comme étant une bonne chrétienne. Dans l'église. Ou à ma femme mukanisa. Andor ya ile. Inje ya ile. Il faut que le mwanamuke, il faut que cette femme arinawisha mikulu ya batakatifu, qu'elle a lavé les pieds des saints, na kusaidia ba mashikini, qu'elle a aussi aidé les pauvres, na kutenda matendo mingi mzuri, en exerçant beaucoup de bonnes œuvres. Unaona hapa tunakuraka sensende. Lorsque nous participons à la Sainte Cène, ne croyez pas que nous sommes des aveugles. Depuis que cette église existe, chaque Sainte Cène qui la mise à Abouana, tu ne laves jamais les pieds des sœurs. Nani ku participer ku coupe ku repas du Seigneur, tu ne participes pas. A ushiriki kumeza ya Bwana. À chaque communion, Kukila, vous avez toujours des excuses. Na masababu. Vous prouvez que vous êtes une Judas. Unahakikisha ya kwamba wewe uko Judas mwanamke. Si tu ne monaka, pale mnakuwa kubeba pain. Si tu ne monaka. Lorsque vous venez pale mnakuwa kubeba vin. Si tu ne monaka. Nous vous observons. Pale inje pale. Si tu ne monaka. Uyu se, kuile kominyo ingine, akukuyake. Uyu se, kule ingine akukuyake. A l'autre sainte scène n'était pas passé. Quand on a réuni ma condition, si tu réunis toutes ces conditions, c'est à ce moment-là que kanisa itaweza kuanza kubeba en charge. Ndio mwile wakati kanisa itakubebea mizigo. Apana we mutoto mwanamuke veuve. We mwanamuke veuve. Toi, pas toi une veuve, mouyane. Kazi yako. Ton travail à toi. Ni kudetruire. Ni kuharibu. La morale des jeunes filles. Ah, adabu ya babinti. C'est toi qui entraînes les jeunes filles à la prostitution. Bafanye bukaaba. Tu les encourages à la prostitution. Kufanya bukaaba. Par des discours profanes. Na misemo ya bujinga. Des histoires profanes. Misemo ya ovyo ya bujinga. Wewe uko mkanisa paka na kazi, unaingia kwa nyumba. Unasemakanya bintu, dans ton église, uku, dans l'église, bintu, tu ne fais que kuna banenda kushikanywele, unasema bintu, là où tu unabeba bia uku, unapeleka uku, tu rapportes bia uku, unapeleka. Ce n'est pas une bonne chose. A gauche, à droite, à una dada mzuri. Au lieu de s'appliquer à la prière comme l'écriture l'exige, pare pawe kujitoa kumaombi vile Biblia inailazimisha. En attendant que le Seigneur vient te récupérer, mkongojea Bwana Mungu akuwe kuchugua. Mais tu es causeuse. Lakini upaka wakabwabwa. Voyez, unaona? Et en dehors de cela, inje ya ile, on affronte tu bwabala. Tu fais encore des concubinages. Vois bien mes frères. Unaona ndugu mpendwa. Vois bien mes sœurs. Unaona dada mpendwa. Tu es intrigante. Uku. Uku na fana tu ma relation toi. Anapata bwana. Wanafana kama ni simwa. Wanachangia mbuficho mbuficho. Ah. Témoin. Anafana tu ma relation. Mezindiri. Tu fais des relations avec un mari. Après un certain moment, tu brises. Pendant que les gens veulent découvrir, tu arrêtes. Tu commets la prostitution tout en étant dans l'église. Kama unaisha kuya veuve. Si tu es devenu mouyane, wijichunge safi. Garde-toi pur. Kama uko muaja kuolewa bakowe. Si tu es à l'âge d'être épousé. Kama una tena muaja kuolewa. Si tu n'es pas encore à l'âge d'être épousé. Kankamana na maombi. Persévère avec la prière. Parce que watoto unaisha kuwapata. Parce que tu as déjà eu des enfants. Même si tu n'as pas des enfants. Hata kama una watoto. Jita déjà donné le salut. Mungu anaisha kuwapata. Hata nesele kalmema. Uchunge Bwana musalama. En dehors de ma condition. En dehors de ces conditions, pour qu'une veuve soit prise en charge par l'église, il faut qu'il n'ait pas des enfants pour la prendre en charge. Ah, il n'a pas à si quoi n'a pas tort de bakumwangaikia. Toi, tu as 10 enfants. Wogo na batoto kumi. 8 enfants. Batoto munane. 9 enfants. 6 enfants. Batoto sita. Avant que l'église se préoccupe de toi, il faut que ces enfants, en charge, que tes enfants là puissent te prendre en charge. On a vu d'autres veuves. Parce qu'ils n'ont pas bien compris les choses de Dieu. Elle quitte l'église sous prétexte qu'on n'aide pas les veuves dans cette église. C'est faux. Biabongo. On ne doit pas faire ça. Haipashi kufanya vile. On ne peut pas accepter ça. Hatuwezi kuikubali. On doit respecter les écritures. Tunapashi kuheshimia maandiko. C'est vrai, mon frère. Ni kweli ndugu. Si une veuve a des enfants, kama muyane kuna watoto, ou des petits enfants, wala bankana yake bajugu, la Bible dit, Biblia nasema, que ses enfants, watoto yake bale, apprennent avant tout, bajifunze, à exercer la piété envers leurs propres parents, bajifunze kutumia leur propre famille, mbele ya jamaa yabo. L'écriture est claire. Andiko iko wazi. Et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Car cela est agréable à Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous en tant que chrétiens, nous avons une grande responsabilité. Dédiquer correctement nos enfants pendant que nous avons encore cette occasion, parce que c'est notre héritage dans la vieillesse. À part qu'on a déjà batoto, Auna na éducation ya bien. Tu n'as pas une bonne éducation, auna na badabisho mzuri. Si tu banamu ke bale bari pata mariage mubundumba. Si tous les filles qui ont reçu le mariage dans les concubinages. Bari pata accidentellement babouane. Wa rafla ils ont été. Wakati ngine atabonye beko kubukweri kula bana atana mari. Bari se kujikaria beko mbushara. Ele au mariage sans pour autant qu'on dépose la. Mbushara tu officiel. C'est l'adultère officiel. Souvent ce sont des femmes comme ça. Ni banamu ke banamu pas une bonne éducation. Yo bale wakala ke na madabisho mzuri. Pendant que les autres se débrouillent, tu es là en train de raconter. Ouais, ton père et ta mère étaient païens. Et vous voulez transmettre, vous voulez vous pagan au bois, pour que tu sottises tes paganismes à tes enfants. Qui a déjà vu les enfants d'une prostituée prendre soin de leur mère? C'est comme les enfants du serpent. L'un sera à droite, l'autre à gauche. L'autre monde, l'autre mange. Ce sont des irresponsables. Les bateaux basi pour couper ma bousito. Occupez-vous de vos enfants. Et les enseignez correctement. Mou pande, esprit à ma peine. L'esprit d'amour, l'esprit de misère, l'esprit de la piété, d'être comme les enfants de Dieu. C'est la nature de Christ. Lorsqu'ils grandiront et que tu n'auras plus de force, ils t'aideront. Tu as tes enfants, des garçons, il ne faut que se bagarrer, ils ne veulent pas étudier, à l'école ils fuient, ils marchent avec des voleurs, leur travail. Ils ne font que chercher des minéraux par-ci par-là. Un enfant de 10 ans, de 15 ans, il va construire sa vie dans les minéraux. Parce que awe mwenye baba upende kutumika, ona leur père tu ne veux pas travailler, tu attends que l'enfant puisse te ramener 5000 francs. Non, non, non, Michel. Oh, mon enfant, que Dieu te bénisse. Tu es un insensé de père. C'est toi qui dois prendre soin de tes enfants. Bonjour, on n'a pas su qu'on gagne qui est votre yako. Préparez votre avenir. Fournissez à Batoto. Ah, ah, scolarise les enfants, tu ne veux pas. Apprendre un métier, tu ne veux pas. Amène-le au champ. Tu dis non, ils ne sont pas habitués à faire les champs. Tu es un parent insensé. Ce que tu dis, ce que tu sèmes, tu le récolteras. Nous devons prendre soin de nos enfants. Tu n'as pas si tu as la chance de les scolariser. Tu les amènes à la foi. Kisha, ensuite, masomo. Tu les fais scolariser. Tu les inities à un métier quelconque. Tu les aideras à vivre dans ce monde. Tu ne peux pas laisser les enfants. Il ne faut qu'un regarder la télé. Tu leur payes même des androïdes. Tu es un parent insensé. Vous allez les regretter. Ou t'as eu une caca badaï. Vous voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpendwa. C'est pourquoi prenez soin des enfants. Joko mana mwangaiki watoto. Dans Proverbe 23. Mezali makumi mbili na tatu. Que dit Proverbe 23? Mezali makumi mbili na tatu anasema. Je pense que nous parlons pour le peuple, hein? Je pense, je parle lentement, doucement pour que Proverbe 23. Mezali makumi mbili na tatu. Verset 22. Musari makumi mbili na mbili. Proverbe 23 verset 22. Mezali makumi mbili na tatu makumi mbili na tatu. Écoute ton père. Usikilize baba yako. Lui qui t'a engendré. Wala alikuzalisha. Et ne méprise pas ta mère mama yako, quand elle est devenue vieille. Parce que on a match à mama yako, parce que tu vois les yako, yeux de ton père et de ta mère, il a quoi rouge, sont devenus rouges, elle devient noire, zaka zaka kumacho, avec des gestes partout, elle n'a plus assez de dents, elle a maintenant, elle devient maintenant une sorcière pour toi. Tu ne sais pas que il macho rouge, ces yeux-là qui sont devenus rouges et sa figure qui est devenue tout noire, c'est parce qu'elle a souffert, c'est ainsi que tu es devenu ce que tu es là. Voyez bien mes frères. Kumpendwa. Ne méprise pas ta mère. Ushibeule mama yako. Quand elle est devenue vieille, elle n'a pas le hangari qui ce n'est pas lorsqu'elle est encore jeune. Lorsqu'elle a encore la force de travailler. C'est comme vous m'avez entendu hier dire. Quand ma maman yako, si ta mère na yako, et ton père bangari na nguvu, ont encore la force kutumika, de travailler, laissez-les travailler. Kama na mamoyen, si toi tu as assez de moyens, aide-les de loin. Avec les moyens que vous avez, ils évoluent jusqu'au moment où ils seront faibles. Fika na mwakati ile, ils n'auront plus de force. Il ne faut pas les prendre dans ta maison pendant qu'ils sont encore jeunes, vous aurez toujours des palabres. Il y a des bons parents, il y a aussi des mauvais parents. Ça, c'est une vérité. Mais si ton père est mauvais, mama est ta mère est mauvaise, il a épargné, cela n'était pas ma part de les aider, oui, non. Aide-les à distance parce que ce sont tes parents. Oui, que tu ne peux pas les négliger. Vous voyez, frère. Vous voyez, sœur. Dada. C'est ce que vous devez faire. Njo ile munapashe kufanya. C'est ce que nous devons faire. Njo kile tunapashe kufanya. Nous vous enseignons ainsi parce que nous-mêmes nous avons expérimenté ça. Ça vous donne la fierté fieri d'avoir gardé vos parents chez toi. C'est de l'honneur. Bazazi yako kwako ni mama ya heshima ya sifa ya utukufu. Wewe uko na kuria, toi tu manges. Mama yako analala na njaa. Ta mère passe nuit affamée. Toi tu manges. Baba yako analala na njaa. Ton père n'a rien à manger. Voilà. Toi tu t'habilles bien. Baba yako, ton père yako anatembea na mapacho. Marche avec des narlots. Tu passes nuit sur une mama yako analala pa sac. Ta mère passe-nous sur non, un sac frère. À Pananduku. Regardez-moi les païens qui n'ont pas vu. Mundu, mais ils engagent quelqu'un. Ils sont engagés dans une entreprise respectable. Des sociétés responsables. Lorsqu'il est engagé, on prend même la charge de tes parents. Même ta belle famille est aussi prise en charge. Ils ont droit au soin. Vous voyez, unaona, la société les reconnaît. Ah, kampuni inawajua. Comment weye mtoto wa Mungu? Comment expliquer que ils ont même un peu la compassion de tes parents. Dans ton quota là-bas, mais pendant que toi-même, tu ne veux pas les aider. Tu méprises tes parents. Tu es une malédiction. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Il faut Mungu anasaidia. Il faut que Dieu aide. Batoto banamuke au banaume. Les garçons ou les filles. Bale Mungu eko nakupachia. Que Dieu te donne. Bakuye bakongopa Mungu. Qui soient des enfants qui craignent Dieu. Et ce soir je vous exhorte. Na mangaribi leo na misubutisha. Tukankamane na batoto yetu. Persévérons avec nos enfants. Babakie mumustari ya neno la Mungu. Qu'il reste sur la ligne de la parole de Dieu. Dunia inesha kuoza. Le monde est déjà pourri. Parce que tuko déjà kumwisho. Parce que nous sommes déjà à la fin. Na dunia iko nenda na kuharibika. Et le monde se détériore davantage. Les démons. Ma démon. Satan. Shetani. A initié ce qu'on appelle les droits de l'enfant. Anafundisha le banaita alali ya mtoto. Ou le droit de la femme. Wala alali ya mwanamke. Le droit de l'enfant. Alali ya mtoto. Ou le droit de la femme. Wala alali ya mwanamke. Ce sont des droits démoniaques. Ni ma sheria ki demona. Ya ki shetani. Ya ki shetani. Le droit de l'enfant alali ya mtoto favorise, encourage la rébellion des enfants. Ya batoto. Les droits de l'enfant alali ya mtoto encourage la délinquance. Kutenda ovyo ovyo, kutenda mabaya kwa batoto. La délinquance juvénile. Kutenda kubaya kwa batoto. Ni bya kweli nduku. Ou l'enfant mule mtoto se sent permis de tout. Anaji kuta sema anaruhusiwa kufanya byote. Unaona ntuku mpenzi. Il est libre de tout. Eko huru kufanya byote. Il peut injurier sa mama. Anawezi kutukana mama yake. Il peut injurier sa son père. Anawezi kutukana baba yake. Il peut violenter ses frères. Anawezi kutendia mabaya madada yake. Non ma sœur. Hapana ntuku na dada. C'est faux. Ni bia bongo. Le droit de l'enfant alali ya mtoto favorise la violence, ukaidi, l'insolence, kibengo. C'est vrai. Ni kweli. La consommation excessive de la consommation excessive Faraj. La fumée, whisky, ufuta kwa drogue, kwa mno, kwa pombe wala kwa bangi kwa tumbako. Vous voyez bien mes frères. Unaona ndo kumpendo. Et cela pousse même les jeunes garçons. Ni unasukuma kabadiana banaume na babinti. Au désordre sexuel. Bana kwa mfujo non, ya patana mwili. Obeko uru beko uru. Nous sommes des chrétiens. Sisi tuko ba Kristo. Et la musique profane. Na mimbo ya kidunia. Non, ya bubumbafu. Ya bubumbafu. Profane ya bubumbafu. Ya bubumbafu. Regarde la musique ici. Tazameni mamimbo. Qui intoxique les enfants. Il est qu'on a sukuma batoto kufanya mbaya. Amuna kitu. Oh oh oh oh oh oh. Ni paka bile kama ni bile. Bile na fuma mashiki. Sasa kile tu. Kile bourre les oreilles. Amuna kitu. Beko na imba kama ni muluga ya maru maluga ya watu. Mtoto mwanaume mwenye asisiki. On chante dans. Mais pas qu'il est qui dans une langue qui ne comprend même pas ce qu'on chante. Juste les c'est qu'il y a un livre, les gens, ce sont des démons. Yo ele na le fiche ya watoto ni mademona. Nous sommes des chrétiens, on ne doit pas apprécier ça. Si c'est tout comme Christ, toi, tu es ce que fera ici à ville. Les droits de la femme aussi. Alali ya mwanamke nayo. Favorise les libertinages. Ina sukuma mwanamke. Encourage l'insoumission de la femme. Mwanamke akose kuwa na utifu. C'est pourquoi il y a beaucoup de divorces. Mwana kwa kuvunja ndoa kwa mingi. Les avortements. La prostitution. Bukaaba na bundumba. Les femmes ne savent plus respecter leur mari. Mwanamke abaheshimie tena baba na yake. Oh, niko huru, huru, niko huru. Non. Hapana. Ce sont des lois démoniaques. Ni ma sheria ya kishetani. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. C'est pourquoi nous devons craindre le Seigneur. Je commande à ton apache pour m'ogopa bwana Mungu. Regardez cette femme Ruth. Nazameni mtoto Ruth, mwanamke Ruth. Un bon témoignage. Alipokea ushuhuda mzuri. Jusque à son mariage, sa récompense. Kufika na malipo yake ni kwa ndoa. Tazameni namna gani? Les femmes d'Israël. Regarde comment ces hommes et ces femmes l'abélissent. Tu vas au mariage, tu n'as pas de bénédiction. C'est très grave. Niatari. Wende muzuri, nyumba yako ikuwe sa ya Rachel na Lea. Sois béni, que ta maison soit comme celle de Rachel et de Lea. Les enfants que tu as. Bafwanye njina yako, ikuwe ya bei, mu Israël. Sois vraiment. Voilà les bénédictions. Sois une bénédiction, mu Israël. Tu marches sur la rue, on dit ça, c'est l'enfant de tel. Pas, tu passes sur la rue. La famille de Ngoïa, non, il n'y a rien. Celui-ci. Il faut faire attention avec lui. Non, frère. Apanandou. Non, ma soeur. Apanadada. C'est pourquoi. Djokwamana. Nous, les parents. Si, si, Bazazi. Nous avons une grande responsabilité. Quand nos enfants sont bien éduqués, c'est notre bénédiction. C'est notre bonheur. C'est notre respect. C'est notre couronne. Quoi bien, mes frères? Si tu as des enfants qui craignent Dieu et tu as enseigné dans la crainte de Dieu, même si toi tu avais souffert, votre nom sera relevé même dans tes enfants. C'est vrai, frère. C'est pourquoi dans un foyer, ce sont les fils et les filles sages qui craignent Dieu, qui sont une bénédiction de l'Éternel. Ces garçons et ces filles qui sont miséricordieux, compatissants, qui peuvent prendre soin de leurs enfants, de leurs parents, dans leur vieillesse. Voilà le don de Dieu. L'Église est avec moi. Si mon achinga pour se m'amener, Dieu a m'chunga que. Bien. Vous ne ponctuez pas par amen puisque vous ne gardez pas correctement vos parents. Et vous n'avez pas bien éduqué vos enfants. Je m'étonne souvent. Un garçon, une fille qui est né ici au Katanga, ici en ville, mais anayua ma coutume, ya umbaluba, mais il connaît la coutume de Luba. Là où il n'a jamais été, il ne connaît même pas les chemins qui mènent vers là-bas. Mais ma coutume, il connaît quand même la coutume de ses parents. Quelle malédiction. Là, na kanile. Si vous voulez les réprimander, on vous dit, laissez-les, ils sont libres, c'est leur temps. Les enfants mal éduqués, c'est une malédiction. Ni l'ana. Si tes enfants se rebellent souvent dans ta maison, ils sont engrossés. Les garçons fument des chambres. Vous allez regarder les enfants. Ils sont battus. Ils ne coupent pas les herbes. Avec des voix rauques. À cause de l'alcool et des drogues qu'ils prennent. C'est une malédiction dans ta maison. Proverbe 15. Dans le verset 20. Un fils sage fait la joie de son père. Et un homme insensé méprise sa mère. C'est vrai. Proverbe 17. Mezali kuminasaba. Verset 6. Musare asita. Les enfants des enfants batoto ya batoto sont la couronne des vieillards. Bekotaji ya waze. Et les pères sont la gloire de les enfants. Na bababa ni utukufu ya batoto yabo. Oui, baba, utakuya, utukufu ya batoto. Toi, père, tu seras la gloire ni de tes enfants. Kama uri bakomesha muzuri. C'est si tu les avais bien éduqués. Dans une bonne éducation. Oui, baba. Toi, père. Uko mufano ya batoto yako. Tu es un exemple à tes enfants. Batoto bari kuimite. Les enfants vana kufatirisha. Mu caractère muzuri. Dans ile urishi na mama yabo. Dans ta propre maison. Dans ta... Ils ont appris à respecter les gens. Bantu. Parce que c'est ce qu'ils ont fait. Toi-même, tu respectais ta belle famille, tu respectais tes parents, tu respectais tes grands frères, tu respectais tes petits frères. Mon famille, yako, il faut batoto yako. Dans ta famille, il faut que tes enfants akusema, ils apprennent que papa, notre père, yaka, il respecte banduku yaka, nabo, ses frères biologiques. Il respecte aussi ses amis. Yake, il respecte aussi que ses parents. Tes enfants batoto yako, apprennent cela dans ta maison au moyen de la vie que tu mènes avec eux. Il est unaishi pamoja nabo. Uko na pika bibi, unamchambula bibi, unazarau bako yako, unazarau ta belle famille, unazarau bakubwa yako. Tu insultes tes grands frères. Vous n'êtes pas une couronne. Auna taji hapana. Vous ne serez pas loué. Auta sifiwa. Tu ne peux pas être loué. Hawezi kusifiwa. Non. Hapana, hapana. Tu n'as pas une bonne éducation. Auna na madabisho mzuri. Est-ce que l'Église est avec moi? Tu n'as pas une bonne éducation. Auna na madabisho mzuri. Bibi kuna mchambula mbalabala, kuna mchambula mbalabala, kuna mchambula mkuisine, kuna mchambula msalon, kuna mchambula mchambula. Tu l'insulte au salon, dans la chambre. Bele ya batoto. Devant les enfants. Non. Apana. Tu n'es pas une gloire. Auna utukufu. Tu ne mérites pas le respect. Austaili yeshima. Oui, bien, mes frères. Mais si toi-même, batoto yako, tes enfants à toi, banaowa, se marient, kama batoto yako banaomi banaowa, si tes garçons se marient, tu vas les visiter. Penda ba bibi yabo, ils aiment leurs femmes. Penda batoto yabo, ils aiment leurs enfants. Na ba bibi yabo, ils s'occupent de leurs femmes. Ah! Unashikana mtoto anasema, tu écouteras ton enfant dit, c'est comme ceci que mon père gardait maman. Une bonne éducation. Il est une madabisho mzuri. Batoto banamuke nabo banasema, les filles aussi disent, jo vile mama anaanza kuti baba. C'est comme ça que maman obéissait à papa. Ata anasema kintu. Lorsque papa dit, maman alikuwa iko nalia, anakala kimya. Ne faisait que pleurer. Et se taire. Ni ya madabisho mzuri. Bwana unavua unazala ba fi baba. Babandi, tu as des filles qui sont devenues bandits. Son mari est en train de parler. Il s'est saisi de son mari dans la chemise. Il ne faut pas se jouer de moi. Moi, fille d'Engoï. Toi, tu ne peux pas te jouer de moi. Moi, Léa. Fille de Badiakantu. Femme insensée. Tu as des démons dans la maison. Tu es des démons. Tu as transmis les démons à ta progéniture. Vous êtes devenu maintenant une race de maudits. Pourquoi bien, mes frères? Si les enfants que tu as engendrés et que les autres aussi engendrent, les petits-fils que tu as eus, ils te respectent, ils se réjouissent de toi. Les petits-fils ne peuvent jamais te traiter les autres Bengine asema ni balozi, bazazi yako hapana. Banka na yako kuna furaha kusema tunaenda kutembea kwa nkambo. Les petits fils de venir se promener devant leur grand-père. Hapana wewe uko na banka na. Pas toi avec des petits fils. Uko na kufa sa mumba. Tu meurs comme un stérile qui n'avait pas eu d'enfant. Non, frère, ça ne doit pas être ainsi. Proverbe 23. Je parle lentement aujourd'hui. C'est bien. 24. Que dit l'Écriture? Le Père du juste Baba wa mwenye haki est dans l'allégresse. Ego katika shangwe. Celui qui donne sens à un sage mwenye kusala wa hekima aura de la joie. Atakuwa na furaha. Voyez. Unaona? Aura de la joie. Atakuwa na furaha. Que ton père et ta mère Baba yako na mama se réjouissent. Bapate kufurahi. Que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Awe katika shangwe. Voilà ce que tu dois être. Ndio kile unapaswa kuwa. Soyez le modèle de vos enfants. Muwe mufano ya watoto yenu. Mutoto mwanamke anasema infidi mimi napenda nipate bwana. Je vais avoir un mari qui m'aimera. Vile baba comme mon père mama. Comme mon père aime ma mère. Na mule moro yako unashikia bien. Et même dans ton cœur là tu vas te réjouir. Mwanamke anasema et les garçons disent napenda nipate bibi. Je vais avoir une femme. Qui va me soumettre comme ma maman se soumet à mon père. Là, dans ton cœur, tu vas te réjouir. C'est quel héritage que tu vas laisser aux enfants? Si vous vous compromettez dans votre maison. Non, mon frère. Apanandoku. Non, ma soeur. Apanadada. Ça ne doit pas être comme ça. Avez pas su faire la ville. Si nos parents étaient païens, mais nous sommes devenus chrétiens, nous devons apprendre à se conduire correctement et à élever nos enfants selon la parole. Proverbe 13. Proverbe 13, dans le verset 22, l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Uriti yake ni batoto ya batoto yake. À cause d'une bonne éducation. Kwa ajili ya madabisho mzuri. Et tu as donné aux enfants. Ile uripatia batoto. Mushache matrasi mubaya mubatoto yenu. Il faut pas laisser de mauvaises traces. Mushache éducation mubaya mubatoto yenu. Dans vos enfants. Il faut batoto yenu bafraiwe na mweye. Il faut que vos enfants se réjouissent de vous. Même si voyez cette éducation ici. C'est mon papa. Ima dabisho ni mama. Ni mama yangu, ni babangu. Ils ont la fierté. Même si tu es pauvre. Mais batoto. Mais néanmoins les enfants. Ils vont te respecter. Ils ont la joie. Dès qu'on a fura. Ya kushon tambela benja. De te présenter devant leurs amis. Psaume 127. Zaburi 127. Psaume 127, verset 3-5. Voici les enfants batoto sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Ni malipo. C'est vrai. Ni kweli. Comme des flèches dans la main d'un guerrier. Ainsi sont les fils de la jeunesse. Et l'homme qui en a rempli son carquois, il ne sera pas confus. Quand ses fils parleront avec l'ennemi à la porte. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma sœur. Le fruit de tes entrailles tunda ya uzao est une récompense. Ni malipo. Pour que ces enfants soient une récompense, malipo, oui, basaïdie, bakutane na Mungu, afin qu'ils puissent kwa njia ya mashauri, ya neno la Mungu, kwa njia ya maisha, la parole ya mzuri ambao kuna mene, au travers une bonne vie que tu mènes devant eux. Batoto munyumba yako bana muke na bana ume. Les enfants dans ta maison. Kuyua na babala yako. Ils savent même tes concubines. Quelle malédiction. Là na kanile. Ils disent. Petit. Petit. Celle-là, elle est concubine à papa. Quelle malédiction. Là, nakanile. Mais si l'enfant se révolte aussi, va aussi courtiser les prostituées. Quel est le conseil que tu vas lui donner? Tu es surpris en flagrant délit d'adultère. Oh, on a surpris le papa en flagrant délit d'adultère. Vraiment, Dieu l'a fouetté. Il a beaucoup, beaucoup souffert la maman en se révoltant contre elle. C'est une humiliation. Ni qu'on faisait un choix. Croyez, frère. On a un andoukou. Croyez, frère. On a un adada. Nos enfants, c'est une récompense. Batote tout, ni malipo. Ils doivent être une bénédiction. Bana pas quoi, baraka. C'est vrai, frère. Ni quoi l'indoku. Dans Psaume 144. Zaburi mia moja makumi nena ine. Dans son verset 12. Mustari yake ya 12. Nos enfants sont comme des plantes. Batote tu veux savoir miti. Miti nzuri. Des bonnes plantes. Voyez, une plante de la parcelle, c'est quoi? Lorsque tu es fatigué, tu vas t'abriter avec cette fraîcheur. On t'apporte quelque chose. Tu respires correctement. Pendant la chaleur, tu vas te reposer sous un arbre. Ça, c'est oui. Et alors toi? Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse. Et nos filles comme les colonnes sculptées. Colonne ninin. Nguzo. Les colonnes, c'est là où tu t'es tenu debout pendant longtemps et que tu es fatigué, tu n'as pas où aller, tu t'appuies aux colonnes. Tes filles, dans ta vieillesse, elles deviennent des colonnes sur lesquelles tu vas t'appuyer. Mais tes enfants, tes fils, c'est comme des plantes qui donnent un bon feuillage. Là où tu t'assois pour t'abriter, tu attends le jour pour partir de ce monde afin que tu t'en ailles en paix et que les jours de ta mort qu'on dise, les enfants vont faire un discours. Je ne sais pas s'ils vont faire les discours. Baba et toi, Rizaliwa, en 1850, il a maltraité notre mère. Arrêté soit que ça n'a maman et tout. Il était adultère. Il ne s'occupait pas de nous. Voilà l'héritage que nous avons reçu. Il a laissé 18 petits-fils. Bankana, kumi na munane. Bote paka bandumba tu. Et même la malédiction va te suivre là où tu pars. Là où tu pars, il fait sombre. Tu es un soufflé sur la terre. Même là où tu pars, ça sera fini pour toi. Voyez bien, mes frères. On en a tout compris. Voyez bien, mes sœurs. On en a d'entendu. C'est pourquoi. Dieu commande. Pas tout et tout. Nos enfants à nous. Ni récompense mungu kone tupachi. Ni malipo que Dieu nous donne. Apana pa kululuma, nizale, nizale. Il ne faut pas te précipiter d'avoir des enfants. Tu as des enfants. Tu es incapable. Ya kusokipe nabo. De s'occuper d'eux. Tu es incapable. Tu es incapable. Voyez. Unaona. Ya kuibaongoza mzuri. De les dédiquer correctement. Non. Apana. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Ya compris. Nani ula naelewa. Ni nani ule ambao atachunga baba yake na mama yake. Qui va prendre soin de son père et de sa mère, qui lève sa main. Levez vos mains. Ici nous sommes dans l'église. Où les frères, ces frères-là, la soeur, et cette sœur-là, qui a levé sa main, Atapimaka kutrete baba yake na mama yake. Il osera de traiter. Aseme ni baloji. Taxer son père et sa mère des sorciers. Tu verras la souffrance qui va te suivre dans ta vie. Umuni umpresence ya Mungu. Ici nous sommes dans la présence de Dieu. Nous ne faisons pas de théâtre ici. Apprenez. Mujifunze. Mweba frère. Vous des frères. Benikuwa na batoto. Qui avez des enfants. Apprenez kubafundisha mzuri. À les éduquer correctement. Mais vous les enfants de chrétiens, si vos pagano, papa et maman sont des païens, Dieu vous a fait grâce de devenir chrétiens. Pendant que nous prêchons, n'est-ce pas, vous écoutez aussi. Il ne faut pas imiter vos parents qui sont païens. Mais vous craignez Dieu pour que leur malédiction reste sur leur tête. N'imitez jamais les mauvais parents. Bazazi baba ya pana. Et Dieu. Mungu amibariki. Levons-nous pour la prière. Tusimame juu ya maombi.